Chapitre 7e. Pourtant, nous ne nous attardâmes pas dans le palais. Ce n'était pas un lieu de tout repos, car je dus enlever des épaules de Bill Scanlan une de ces dangereuses limaces pourpres qui pullulaient autour de nous, et moi-même, je me sentis cruellement picoté à la main par le crachat venimeux d'un grand lamellibran jaune. Comme nous regagnions le dehors, j'eus une dernière vision de ces efférentes sculptures, œuvres du diable en personne, qui décoraient les murs. Et nous nous mîmes à courir le long du corridor sombre, maudissant la minute où nous avions eu la sottise d'en franchir le seuil. Ce fut une vraie joie pour nous que de retrouver la phosphorescente clarté du plateau bâti bien et son eau translucide. Une heure plus tard, sitôt rentrés dans notre chambre et débarrassés de nos enveloppes, nous tînmes conseil. Le professeur et moi ressentions encore une trop forte émotion pour être capables de donner à nos pensées une expression verbale. Scanlan, par son irrésistible vitalité, se montra supérieur à nous. « Quel brouillard » s'écria-t-il. « S'agit à présent d'y voir clair. Ce particulier-là, c'est bonnement, je présume, le grand diable d'enfer. » Le docteur Maracot se recueillit un instant, puis, ayant sonné son domestique, « Manda !» lui dit-il. La minute d'après, notre ami Manda était chez nous. Maracot lui tendit la lettre fatidique. Jamais homme ne me parut si admirable que Manda en cette occasion. Par notre injustifiable curiosité, nous qui l'avions sauvé d'un désastre sans recours, nous étions cause de la menace mortelle suspendue sur lui et sur son peuple. Cependant, malgré la pâleur qu'il avait envahie à la lecture du message, il n'y avait pas l'ombre d'un reproche dans la tristesse des yeux bruns qu'il tourna vers nous. Il hocha la tête, le désespoir se trahissait dans ses moindres gestes. « Balsepa » crie-t-il, « Balsepa !» Et il pressait contre ses paupières des mains convulsives, comme pour fermer les yeux à quelque atroce vision. Il courait de tous les côtés, en homme égaré par le chagrin. Finalement, il s'élança hors de la pièce pour aller donner connaissance du message à la communauté, et nous ne tardâmes pas à entendre résonner la grande cloche, qui la convoquait tout entière dans la salle de ses assises. « Y allons-nous » demandai-je. Le docteur hocha la tête. « À quoi bon? Que ferions-nous dans le cas présent? Quelle chance aurions-nous contre un être possédant les attributions d'un démon ?»« Autant de chance qu'une troupe de lapins contre une belette, » dit Scanlan. « Mais bon sang, c'est tout de même à nous de nous arranger pour sortir d'affaire. Mais avis qu'après avoir tenté le diable, nous ne pouvons pas sortir d'affaire en le repassant à ceux qui nous ont sauvés. Que proposez-vous » demandai-je vivement. Car derrière l'argot de Scanlan et sa légèreté d'humeur, je reconnaissais l'énergie, la capacité pratique du travailleur manuel. « Ça, par exemple, ne me le demandez pas, » répondit-il. « Mais ce coco-là n'est peut-être pas aussi cuirassé qu'il se le figure. Il peut s'être un brin usé avec l'âge, car il commence à compter pas mal d'années, si on l'en croit sur parole. « Vous pensez que nous serions en mesure de l'attaquer ?»« Pure folie !» interjeta le docteur. Scanlan se dirigea vers son coffre. Quand il se retourna, il avait en main un gros revolver à 6 coups. « Que diriez-vous de cet appareil-là » J'eus la veine de mettre la main dessus lors de notre naufrage. Je jugeais que ça pouvait nous être utile. J'ai une provision de 12 balles. Peut-être que si je faisais autant de trous dans la peau du monsieur, il en perdrait un peu de sa magie. Oh mais, oulala, que Dieu me protège! Le revolver alla claquer sur le sol. Scanlan se tordait en proie d'âtres souffrances, et de sa main gauche étreignait son poignet droit. De terribles crampes l'avaient saisi au bras. En le frictionnant pour le soulager, nous pouvions sentir ses muscles durcis et noueux comme les racines d'un arbre. Une sueur d'agonie coulait de son front. Enfin, exténué, terrifié, il s'abattit sur son lit. « Je suis fait. Je suis à plat, » dit-il. « Oui, merci, ça va mieux, mais plus souvent qu'on m'y reprenne. Je viens d'avoir une leçon. On ne combat pas l'enfer avec un revolver à 6 coups. Inutile qu'on s'y frotte. D'ores et déjà, je lui donne partie gagnée. » « C'est vrai, » dit Maracot. « Vous venez d'avoir une leçon et sévère. Alors, vous jugez notre cas désespéré. Que faire quant à ce qu'il semble? On est au courant de tous nos maux, de tous nos gestes, et pourtant je ne crois pas que nous devions céder au désespoir. » Le professeur s'assit et après réflexion, « Scanlan, reprit-il, vous n'avez en ce qui vous concerne d'autre partie à prendre que de vous tenir en repos. Vous avez reçu une secousse dont vous ne vous remettrez pas tout de suite. N'importe, en cas de besoin, comptez sur moi. » L'étoffe est rêche, mais on peut tailler dedans. » Ainsi parla bravement notre camarade. Bien qu'à ses traits défaits, au tremblement de son corps, on put voir ce qu'il venait d'endurer. Une nouvelle intervention de votre part n'aurait pas de résultat plus heureux. Il suffit que vous nous ayez appris la mauvaise façon d'opérer. Toute violence est inutile. Nous opérons sur un autre plan, le plan spirituel. Vous non plus, Hedley, ne bougez pas d'ici. Je vais dans mon cabinet de travail. Seul, je verrai peut-être la conduite à tenir. Scanlan et moi étions également édifiés sur la confiance qu'on pouvait mettre en Maracot. Si un cerveau humain était en mesure de résoudre nos difficultés, c'était le sien. Mais nous avions atteint sans aucun doute un point inaccessible à toute capacité humaine. Nous étions aussi totalement désarmés que des enfants en présence des forces qui échappaient à notre entendement non moins qu'à notre contrôle. Scanlan gisait dans un sommeil fiévreux. Mon unique souci, pendant que je veillais, c'était de savoir non pas la manière dont nous nous déroberions au coup imminent, mais la forme que prendrait ce coup et la minute où il s'abattrait sur nous. Je m'attendais à voir d'un instant à l'autre le toit descendre, les murs s'effondrer, les eaux de l'abîme se déverser chez ceux qui les avaient si longtemps contenus. Soudain, la grande cloche se remit en branle. Elle avait une résonance brutale qui secouait tous les nerfs. Je bondis sur mes jambes. Scanlan s'assit sur son lit. Ce n'était pas d'un appel ordinaire que la cloche emplissait le vieux palais. Elle avait les accents tumultueux, saccadés et irréguliers d'un tocsin. Le coup allait s'abattre et sur le champ. La cloche se faisait insistante, comminatoire. « Venez, venez au plus vite » criait-elle. « Laissez tout et venez !»« Dites donc, patron, » fit Scanlan, « faudrait peut-être rejoindre les amis. J'ai idée qu'ils sont dans le pétrin. En quoi les aiderions-nous? Rien que de nous voir pourrait leur donner du courage. » En tout cas, il n'y a pas à leur laisser croire qu'on les lâche. Où est le docteur? Dans son cabinet de travail. Mais vous avez raison, Scanlan, notre place est à leur côté. Qu'ils sachent que nous nous associons à leur destin. Ils semblent avoir un penchant à s'appuyer sur nous, les pauvres. Possible qu'ils aient plus de savoir que nous, et nous plus de cran. Ils n'ont eu qu'à prendre ce qu'on leur repassait, tandis que nous avons eu du mal à tout trouver par nous-mêmes. Donc, à moi le déluge, si déluge il y a. Comme nous approchions de la porte, nous fûmes arrêtés à l'improviste. Le docteur se tenait devant nous. Mais au fait, était-ce bien notre docteur, celui que nous avions toujours connu, l'homme dont chaque trait respirait la maîtrise de soi, la calme résolution et l'assurance? Fini, le savant tranquille. À sa place, il y avait un surhomme, un chef, une âme dominatrice, capable de pétrir à son gré l'humanité. « Oui, mes amis, on aura besoin de nous. Rien n'est perdu. Mais venez vite. » Si vous voulez qu'il ne soit pas trop tard, je vous expliquerai tout après, s'il est encore un après pour nous. Voilà, nous arrivons. » Ces derniers mots, accompagnés de gestes appropriés, s'adressaient à quelques Atlantes apparus sur notre seuil et qui, tout effarés, nous invitaient à les suivre. Il était certain que, comme l'avait dit Scanlan, nous avions montré une plus grande force de caractère, jointe à une plus grande célérité dans l'action, que ces perpétuels reclus. Et l'heure du suprême danger, il semblait s'accrocher à nous. Un murmure de satisfaction parcourut la vaste salle regorgeante lorsque, ayant franchi la porte, nous gagnâmes les sièges qui nous étaient réservés dans la première rangée.